cherche désespérément Karine. Je cherche désespérément Karine. Je cherche désespérément Karine. Je cherche désespérément Karine. Si tu la vois sur ton passage, dis-lui pour moi que je l'attends. Attention à toi quand tu l'interpelleras. Alors je t'en prie, insiste, oh, fais savoir moi. Je cherche désespérément Karine. Je cherche désespérément Karine. Oh, je cherche désespérément Karine. Je cherche désespérément Karine. Elle est facilement reconnaissable. Elle fait partie du type de femme que beaucoup d'hommes ne voient qu'en rêve. Et dis-lui pour moi que je l'attends, que j'ai besoin de sa présence, de la sentir auprès de moi. Oh yeah.